L'actualité à Nancy et ailleurs. Dimanche 19 avril, l'hôtel de ville de Metz ouvre ses portes pour la deuxième édition du Forum des solidarités internationales, une journée gratuite et ouverte à tous. Chantal Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente du réseau de la solidarité internationale et de Metz Métropole et Moselle, un réseau qui fédère des associations locales depuis 2018. Alors comment est née l'idée de créer ce forum ? Ça fait plusieurs années que ce réseau existe et qu'on essaye de réfléchir à comment développer la solidarité internationale. Et donc l'idée est née d'ouvrir les portes, de faire quelque chose d'assez important dans un lieu emblématique qui est la mairie de Metz, pour faire découvrir un petit peu tous les aspects de la solidarité internationale dans un monde où on est plutôt une vague de repli sur soi. Et sachant que tout est lié, que cette idée de développer et de présenter à un public assez large ce que peut être la solidarité internationale a été un de nos objectifs. C'est la deuxième édition. La première édition, c'était en février 2025. Comment ça s'était passé? Et puis, comment vous avez pensé cette deuxième édition? Ça s'était très bien passé l'année dernière. On a eu un public assez varié et important. Cette année, on reconduit la même forme, si vous voulez, dans la mesure où il y aura des stands de 21 associations et où on reprend des tables rondes. La nouveauté réside évidemment dans les thèmes des tables rondes. La première table ronde, qui commencera à 10h, portera sur l'accès à l'eau à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, parce qu'il y a un partenariat entre l'Eurométropole de Metz et la région mauritanienne, c'est ça ? Exactement. Alors dans le réseau, bon, il y a plusieurs modalités de solidarité internationale. Donc il y a une solidarité internationale qui est développée par les collectivités territoriales et donc entre autres par l'Eurométropole de Metz avec la Mauritanie et Nouakchott. Donc ils vont pouvoir expliquer en quoi cette interaction entre la Mauritanie et l'Eurométropole est importante. Bon, les autres tables rondes sont plus des associations plus générales, soit des associations de la diaspora, soit des ONG. Donc il y en aura une sur la déforestation au Sahel ? Tout à fait. Donc ça, c'était aussi un sujet qui nous paraissait important. Évidemment, les questions d'écologie sont au cœur de nos vies actuelles. La question du réchauffement climatique qui fait avancer le Sahara doit pouvoir trouver des réponses pour que les populations là-bas puissent continuer à vivre soit de l'élevage et de l'agriculture. L'idée, c'est vraiment de voir comment on peut réfléchir à l'arrêt de cette déforestation, si tant est que ce soit possible, mais on sait qu'il y a des outils qui le permettent. Et je pense que ça peut intéresser les gens de savoir comment ça s'organise, pourquoi on le fait, comment on le fait, et les bienfaits que ça peut apporter à tous. Et c'est aussi pour valoriser ce qui est fait aussi ? Oui, bien sûr, c'est pour valoriser ce qui est fait. Dans l'aide internationale, bon, il y a les apports des gouvernements, mais il y a aussi une forte résilience des populations locales qui s'investissent sur le sujet. Et pour qu'elles puissent s'investir, bon, elles ont aussi besoin d'aide, de formation et d'un accompagnement qu'on peut leur apporter en partenariat. Il y aura une dernière table ronde qui posera une question assez directe. La solidarité internationale, pour qui et pourquoi ? Pourquoi avoir choisi cette question-là ? Alors on a choisi cette question-là, entre autres particulièrement par rapport au repli sur soi. Bon, pour que les associations puissent apporter une aide, il faut effectivement qu'il y ait un investissement des citoyens et des citoyennes autour de nous, ne serait-ce que par des dons, par exemple. Pour mobiliser les gens, il faut aussi pouvoir les convaincre du bien fondé de la solidarité internationale. Tout est vraiment lié, la vie là-bas, la vie ici. On est dans un monde mondialisé et il y a forcément des interactions importantes. Et donc l'idée, c'est que les gens s'expriment, parce que ça va être une table ronde un petit peu spécifique, dans la mesure où dans la journée, les gens pourront sur un tableau poser les questions qu'ils ont envie de poser, à savoir à quoi ça sert de donner de l'argent, est-ce que vous êtes sûr que ça va bien, où ça doit aller, enfin, des questions beaucoup plus larges aussi, à chacun de poser sa question. Et à partir de ces questions, donc les personnes qui seront présentes à la table ronde, en fonction de leur association et de l'activité qu'ils font, pourront apporter un éclairage sur ces questions-là. Parce que ces questions, parfois, c'est beaucoup d'idées reçues aussi. C'est beaucoup d'idées reçues, c'est vraiment beaucoup d'idées reçues. Et parmi les idées reçues, là-bas, les gens ne font rien, Alors que c'est absolument faux. Enfin, les expériences que nous avons, nous, au travers des partenaires que nous entretenons avec les associations là-bas, montrent que les gens qui s'investissent là-bas ont même des choses à nous apprendre, à nous ici, si vous voulez. Donc, l'idée, c'est effectivement de travailler sur ces préjugés, ces idées reçues, en fonction de ce que les gens amèneront comme préjugés et idées reçues. Et donc, on s'adaptera dans l'après-midi pour apporter des réponses à ces questions-là. Voilà, une journée pour se questionner, pour avoir des réponses, comme vous le dites, et aussi pour rencontrer bon nombre d'acteurs associatifs, une vingtaine d'associations qui seront présentes toute la journée. C'est ça, exactement. Il y a 21 associations qui seront présentes, plus l'Eurométropole qu'on n'a pas mis comme association en tant que telle, c'est une structure. Ces associations vont présenter leur action, certaines vont vendre des choses. Moi, dans mon association, on ne vendra rien, mais disons qu'il y aura à la fois, ça sera un petit peu, entre guillemets, marché du monde pour ceux qui le souhaiteraient, mais c'est aussi surtout découverte de ce qui se fait là-bas et de comment ça se fait. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à un auditeur pour qu'il vienne ce dimanche 19 avril à l'hôtel de ville de Metz entre 9h30 et 17h? Le dimanche, c'est une journée propice pour aller se promener. Donc, quitte à aller se promener et profiter des espaces verts de Metz ou des différentes activités, ça peut être l'occasion tout simplement de venir faire un tour pendant une heure, de découvrir ou bien de regarder aussi si les tables rondes peuvent les intéresser. Bon, ça ne dure pas très longtemps, ça dure une heure et demie. On invite toute personne qui se promène dans Metz à venir nous faire un petit coucou. Et puis, je pense que ça a aussi un petit aspect culturel. Je veux dire, tout le monde ne rentre pas à l'hôtel de ville de Metz. C'est l'occasion d'aller voir le grand salon. Eh bien voilà, encore une raison de plus pour venir ce dimanche 19 avril à l'hôtel de ville de Metz. L'entrée est libre, hein, bien sûr. On peut retrouver d'autres infos sur le site www.gescode.org. Chantal Bernard, merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.